Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse La vieillesse, ce joyeux naufrage, une série de Virginie Bloch-Lenné, réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a une tendresse pour le grand âge et ses corps émouvants et effrayants qui nous tendent à un miroir. Il y a la vie qui continue, des souvenirs qui prennent toute la place, des horizons rétrécis, la peur, mais aussi la liberté, un fatalisme teinté d'humour et puis plus aucune raison de se priver. Alors pour commencer, les personnages. Un soignant, une fille aimante, un père fier de sa fille, une infirmière passionnée, une vieille dame indigne et un octogénaire qui fait jeune. Ensuite, le décor. Des murs pour se tenir, des genoux en métal et des hanches artificielles, un bus au Liban, des baignades, le veuvage, la mémoire qui flanche et la libido. Aujourd'hui, troisième épisode, la vie comme un film. Fatigue des corps, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. In the palm of my two hands, hold each other. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. It's alright. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's alright. Extrait des Dames de la Côte de Nina Campanese. Tu veux que je te dise? Je voudrais avoir l'âge de Fanny et tout recommencer. Tu regrettes la vie que tu as eue? Non, mais je trouve qu'une seule vie, c'est peu. J'aurais aimé en avoir au moins encore une autre à vivre. Je vois avec tristesse que tu raisonnes toujours comme une païenne. Une autre vie t'attend, Alix. La vie éternelle. Oh non, tais-toi, Albert, où je vais habiter l'hôtel. J'ai horreur des bigotes. Ne boude pas. Ne boude pas, ma vieille. C'est peut-être la dernière fois que nous sommes ensemble. Oh. La prochaine fois que nous nous rencontrerons, nous aurons sans doute des petites ailes dans le dos. Toujours optimiste. Lorsque vous alliez voir les deux femmes au Havre, dans l'hôpital du Havre, oui, dont vous parlez dans le livre... Dédé et Lucienne. Oui. C'était un hospice comme on en verrait dans des vieux films en noir et blanc. Hein. C'était une grande salle commune avec des tas de... Benoît Duteur. De vieilles dames sans moyens, sans argent, qui étaient là, voilà, à l'hospice, avec un bataillon de bonnes sœurs, comme on disait à l'époque, de religieuses qui les soignaient. Tout ça avait un côté un peu militaire. C'était un ancien monde qui a disparu. Il y avait ces deux vieilles dames qu'on allait visiter avec ma mère. Mais avec ce sentiment, effectivement, qu'on allait visiter des vieilles dames qui n'avaient pas eu de chance, qui étaient malades, qui étaient pauvres, qui étaient à l'hospice. Et nous, on était d'une très bonne famille bourgeoise du Havre, etc. C'était un mélange bizarre parce qu'on avait à la fois cette éducation chrétienne qui faisait qu'on avait beaucoup de respect pour ces vieilles dames. Et en même temps, on sentait que voilà, qu'on était un peu une famille de notables qui venait rencontrer des personnes dans le malheur. Et là encore, je pense pas que ma mère ait prévu ça pour nous, mais ça m'a tellement frappé quand j'ai vu ma mère mourante dans un centre pour malades d'Alzheimer sur son lit. Qu'elle était dans cet état de misère physique liée à l'âge qui ressemblait tellement à ce qu'elle nous emmenait découvrir quand on était petit avec ces très vieilles dames comme ça. Elle n'était pas si vieille que ça, mais elle avait eu cette déchéance terrible. Finalement, c'était la même chose. Hein. C'était là, il n'y avait plus de notables, de familles bourgeoises. Voilà, elle arrivait à ce même moment qu'elle nous avait fait découvrir ces malades très jeunes, parce qu'elle était infirmière en plus. Elle était allée à Lourdes, comme beaucoup de jeunes filles de l'époque, justement pour accompagner les pauvres et les malheureux. Mais voilà, c'était simplement aussi le spectacle de la mort, de la vieillesse, de la maladie, voilà, auquel on a été confronté par ces petites visites. Vous avez Benoît cette Verdon. Scène à l'occasion de je ne sais quelle soirée qui avait été organisée aux États-Unis où Barack Obama et sa femme étaient présents. Et vous avez Aretha Franklin qui est arrivée sur scène avec un grand, grand manteau de fourrure absolument magnifique, qui s'est mise au piano, qui a commencé à chanter, voilà, de sa voix qui, là encore, n'est plus sa voix de jeunesse, mais qui était une voix absolument belle. Et puis à un moment, elle lâche son piano, un pianiste prend le relais, et puis elle se met au milieu de la scène, sous les projecteurs et les quelques centaines de gens qui étaient là, et elle enlève son manteau de fourrure qui cachait son corps. Et elle est en robe, assez courte et décolletée. Voilà, on voit ce corps de vieille dame. Et elle est triomphante. Elle assume pleinement d'avoir le corps qu'elle a à l'âge qu'elle a. Je pense qu'elle est plus toute jeune, Aretha Franklin, hein, maintenant. Et cependant, c'est absolument remarquable, vous voyez, de cette possibilité de dire, voilà, je suis ce que je suis, ce que je suis devenu, mais je suis quand même bien là. Et j'espère bien qu'Aretha Franklin aura toujours une image forte et belle d'elle, quand bien même elle n'arriverait plus un jour à chanter. Voyez. Si on n'arrive plus à faire les choses comme on les faisait avant, est-ce qu'on a quand même la possibilité de faire l'expérience qu'on compte pour les autres, différemment peut-être, et qu'on compte aussi pour soi ? Est-ce qu'avant que votre mère ne bascule, sa vieillesse et son corps vieillissant vous faisaient peur ? Vous impressionnaient ? Pas tellement. Elle avait une grande vitalité, donc elle est pas morte très âgée en plus. Elle est morte à 78 ans. Enfin, pour aujourd'hui, c'est pas très âgé. Ce qui m'a frappé, je dois dire, c'était un jour où elle commençait à perdre un peu la mémoire, le sens des réalités. On allait se baigner ensemble dans un lac, mais elle était très joyeuse encore à ce moment-là de sa maladie. Et elle a mis son maillot de bain à l'envers. Et donc il y avait sa poitrine qui retombait sur les fils du maillot de bain. Bon, c'était quand même déjà une femme relativement âgée. Tout ça m'avait un peu angoissé, quoi, tout d'un coup. En même temps, c'était drôle parce qu'elle était encore dans le moment fantaisiste de cette maladie bizarre où on commence par être un peu joyeux avant de s'enfermer complètement sur soi-même. Mais voilà, oui. En même temps, c'est très curieux parce que, alors franchement, cette question du corps des vieilles personnes, quand on est enfant, on perçoit pas ça du tout pareil. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien, quand j'étais petit, chez mes grands-parents, qui recevaient leurs amis pour des déjeuners, pour des thés, je ne sais quoi. Ces vieilles personnes, je les voyais comme des êtres un peu extraordinaires, en fait, un peu magnifiques et avec tous les détails physiques qui faisaient leur bizarrerie aussi, avec leur gros ventre pour les messieurs, avec des voix bizarres parfois pour les dames, avec des je sais pas quoi, des joues tombantes, des crânes dégarnis, toutes ces choses de la vieillesse qui aujourd'hui nous angoissent terriblement. Je me rappelle que quand j'étais enfant, je trouvais ça admirable. Pour moi, une vieille personne ronde et chauve était aussi belle qu'une jeune personne. Hein. Je voyais pas du tout là en quoi c'était moins bien. C'est, je pense, après, avec l'âge, quand on s'approche soi-même du vieillissement, qu'on s'éloigne de la jeunesse, peut-être l'élément de la sexualité aussi, etc., qui fait que tout d'un coup, on est plus subjugué par la jeunesse et plus horrifié par le corps vieillissant. Mais enfant, je trouve ça admirable, une vieille personne, largement autant qu'une jeune personne. faut comprendre, vieillir avec ses propres personnages, et si c'est possible, aller encore plus loin, de façon que le public puisse dire, non, il n'a pas vieilli, il s'est déguisé en vieillard, mais il n'est pas vieilli. Il faut être astucieux. Hein. Notre rôle de Jean Premier, ça a été il y a 20 ans, maintenant, il faut trouver des rôles qui sont même plus beaux. Hein. Finalement, le rôle qui est vraiment le plus antiséducteur que j'ai jamais tourné... Marcello Mastroianni, fin octobre 1983. Oui, ben, son séducteur. Maintenant, là, lui, il est victime encore une fois. Oui, c'est séducteur. Puis, d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. Vous savez, si vous faites... Si on fait la liste, oui. Non, mais il n'y a jamais de séducteur. Il y a des impuissants, une PD, oui, beaucoup d'impuissants. Une journée au niveau comme ça, psychologique, des intellectuels fragiles. Il n'y a pas le séducteur. Avec toi, il faudrait toujours vivre. La passionnata. Avec toi, il faudrait toujours jouer. Même quand je faisais les comédies avec Sophia Loren, c'est elle la séductrice. Moi, j'étais toujours victime de cette belle femme. Est-ce que la libido, Benoît Verdon, elle vieillit? Est-ce qu'elle se tasse avec l'âge? On l'a cru. Je pense beaucoup plus, à la fois pour avoir écouté quand même bien des gens qui vieillissaient, à la fois qui vieillissaient pas si mal que ça, au sens où voilà, il y avait des réaménagements qui se faisaient, mais le vieillissement n'était pas une épreuve trop difficile. Et pour avoir écouté aussi des personnes bien plus endommagées au plan physique ou au plan cognitif, et puis aussi pour écouter des jeunes collègues qui voient aussi des patients, ou des collègues plus aguerris qui voient aussi des patients, on a affaire beaucoup plus à des remaniements de la libido. C'est-à-dire que quand on est soi-même au clair avec ça, c'est quelque chose de pas simple qui vaut peut-être le coup que j'en dise un mot. C'est-à-dire de pouvoir accepter l'idée que celles et ceux qui nous précèdent dans la vie... symboliquement nos parents et nos grands-parents, même si évidemment ça touche bien d'autres gens, mais que ces gens-là continuent d'avoir une sexualité. Et que cette sexualité, la psychanalyse y tient beaucoup, ça n'est pas que la relation sexuelle, évidemment. C'est, d'ailleurs, en psychanalyse, on parle plus de psychosexualité, c'est-à-dire tout ce qui va toucher à la fois la question du désir, mais du désir qui n'est pas forcément le désir du corps de l'autre, la façon dont on se construit comme homme et comme femme, avec une bisexualité psychique qui fait qu'on voilà, on aménage des relations qui peuvent être d'une très grande diversité, plus ou moins souple avec les personnes de l'un et l'autre sexe. Et bien quand on est un peu à l'écoute de cette réalité-là, que ça ne vient pas nous encombrer, nous aveugler, nous dégoûter, ou voilà, au contraire nous fasciner parce qu'on voudrait absolument que rien ne vieillisse, et qu'on voudrait que les... Ça, on le voit bien dans une certaine idéologie contemporaine du bien vieillir. L'idée que vieillir, c'est ne pas vieillir, c'est ne rien abandonner, ne renoncer à rien, avoir une vie sexuelle comme avant, avoir une maîtrise des technologies contemporaines, comme si on avait encore 20 ans, etc. Quand on n'est pas aveuglé par ça, eh bien, on peut tout à fait entendre ce qui est la réalité psychique de bien des femmes et des hommes, hein, c'est que vivre, et ça Freud l'a dit avec force, vivre, c'est être aimé. Être, la question de l'être, vous voyez, c'est être aimé. Après, ça peut passer par des modalités sensuelles ou autres, mais la question qui taraude quand même nos vieilles dames et nos vieux messieurs qui viennent nous rencontrer dans nos cabinets de psy ou qui voilà, sont nos concitoyens, quand on les écoute, on voit bien que c'est ça la question majeure. Et que ça, ce sont des traces éminemment significatives de la libido. Que s'est-il passé? Tu n'as plus de cœur. Je reviens tout étonné d'un long voyage. Tu n'es plus la même petite fleur qui rêvait et vivait son bel âge. Avec tes bijoux, ton manteau de bison. Tu n'as plus du tout. Bonne nuit. Vous savez comment ils se sont rencontrés? Louise Phillips. Ma mère, je crois qu'elle était dans une pièce de théâtre amateur et mon père a assisté à la pièce de théâtre. Voilà. Mais ils se connaissaient tout le temps puisqu'ils habitaient dans la même ville. Donc le déclic a eu lieu au théâtre, d'après ce que je sais. Fernand, vous avez quel âge? 92 ans. Et vous êtes né ici, en 1925, dans... oui. Ici, à Richaufen. On était à deux, j'ai un frère qui a 95. Et on a passé donc la période de la guerre. J'avais 17 ans. Alors vous savez, avec la période passée, avec les nazis, on était incorporés de force à tel point que mon épouse avait des frères. Un était en Algérie, chez les Français, et l'autre était incorporé chez les Allemands. Et il aurait pu arriver qu'ils étaient l'un contre l'autre pour se battre. Vous rendez compte de cette situation. Qu'est-ce que vous avez fait comme métier après la guerre? D'ailleurs, sur mesure. D'abord, j'étais étudiant. Alors, mon frère aussi. Mon frère voulait être médecin. Et moi, alors mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Tu voudrais pas prendre ma succession? Il dit, oui, je lui devais ça. Parce qu'il m'a sauvé la vie. Parce que mon mari a eu 6 révisions. Tu veux parler un peu plus fort? Oui. Tu as été convoqué 6 fois. Ah oui, je passais 6 conseils de révision chez les Allemands. 6 conseils de révision. Vous avez travaillé jusqu'à quel âge? J'ai travaillé, quel âge est-ce que j'avais? 81. Oui, 56 ans. Et alors, une place. On était les premiers touchés, comme d'ailleurs, sur mesure. Oui, c'était quand même 6 à l'atelier en bas. Alors, je voyais ça venir, alors on a pris les devants. J'ai pu licencier tout mon personnel. Et la dernière est allée au couvent, pas comme sœur, mais chez les repasseuses. Ouais, elle a bien réussi d'ailleurs. Voilà, je suis resté 3 ans à Strasbourg. Qu'est-ce que vous avez fait à Strasbourg? Ben, j'ai vendu des costumes, le Beurre Paris. Qu'est-ce que ça vous a fait de prendre votre retraite, d'arrêter? Ah, ben, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Ouais, j'ai profité de... On a profité de notre retraite, vous savez. Tant que ça va encore. Et beaucoup de bicyclettes et beaucoup de marches. On s'ennuyait pas? On s'ennuyait pas, non, pas du tout. Est-ce que vous vous ennuyez maintenant? Non, la maladie, vous savez. Mais je sors tous les jours, à moins qu'il pleuve. Quand est-ce que ça a basculé entre le moment qui a suivi la retraite, qui était un très bon moment, et l'époque actuelle où c'est plus difficile physiquement? Oui, mais physiquement, justement, il y a 2 ans, quand tu as eu ta maladie. Ouais. C'est ça que tu voulais savoir. Ouais, la myasthénie, oui. Ouais. C'est une maladie, disons, ça dépend des nerfs aussi, mais c'est surtout le sang. Les bons éléments qui sont dans le sang, ils avaient... Les mauvais ont bouffé les autres. Donc, il fallait changer de plasma. J'étais obligé de aller à Strasbourg. Ils m'ont changé le plasma. J'avais 25... Combien de sondes? 7? 7, oui. 7 sondes pour... j'étais nourri artificiellement. 2 mois et demi. Et c'est la première fois que vous aviez un gros problème de santé? De santé, oui. Ouais. Ah, vous vous portiez très bien jusqu'à 90 ans, alors? Oui. Je chantais. C'est ça aussi, la forme. Dans une chorale? Oui. Oui, et j'étais soliste ici à Richaufen. Je connais tous les opéras. Par cœur, Carmen. Par exemple, l'après-midi, on partait d'ici... À pied, on a un plan d'eau à la sortie de Richaufen. On faisait le tour du plan d'eau et puis on revenait, ça nous faisait 7 km. Et ça, on faisait pratiquement tous les après-midi. Jusqu'à il y a 2 ans? Jusqu'à il y a 2 ans, oui. Et maintenant, on ne peut plus. Oui, on n'a plus de voiture, j'ai arrêté. Oui, on n'a plus de voiture. On a fait de scandale. Et les enfants ont dit, qu'est-ce que tu penses? Et je m'arrête. Vous n'avez plus le même réflexe, vous savez. Non, non. Alors après, s'il arrive quelque chose, ça peut retomber sur les enfants. Et ça, je ne voulais pas non plus. Et on est bien entourés, tous les deux. Comment je perçois leur vieillesse? Pour moi, ils ont une belle vieillesse. Même si je sais que pour eux, c'est difficile, hein, parce que de temps en temps, ils me le disent. Mais je trouve qu'ils vieillissent bien, qu'ils sont entourés, ce qui est important, je pense, pour assumer cette période-là où il y a des pertes quand même. Pour moi, ils ont des pertes qui sont minimes, hein, par rapport à leur âge. Ils ne le perçoivent pas comme ça, ça je le sais. Pour mon père, c'est difficile, ces pertes-là. Les pertes physiques. Il y a de l'angoisse par rapport à ces pertes. Hein. Ils ont très peur de devoir faire appel à nous. Ça les angoisse sans doute, hein, de devoir s'appuyer sur nous, alors qu'ils sont parents avant tout, et que le rôle d'un parent, c'est d'appuyer, d'aider les enfants, et là ils sont obligés de faire appel à nous, c'est difficile. Et c'est pour ça que c'est important pour des enfants qui ont des parents âgés de rester dans leur position d'enfant. Il y a beaucoup d'enfants en pensant encore bien faire et qui veulent tout gérer. Ah non, on va prendre une aide à domicile de telle heure parce que tu en as besoin à ce moment-là, sans demander l'avis de la personne âgée. C'est leur enlever leur part d'autonomie, leur enlever leur rôle de parent. C'est pas profitable pour la personne âgée. Il faut absolument qu'ils gardent ce rôle-là. Et oui, moi je trouve qu'ils ont une vieillesse qui est tout à fait... qui est belle. Moi je la trouve belle, leur vieillesse. Hein. Et quand j'y vais le mercredi, moi j'essaie de les emmener là où ils aiment aller. Mon père allait faire les courses. Et alors il est tout fier de me présenter toutes ses copines de l'Intermarché. Et retrouver son... C'est Monsieur Philips qui va à l'Intermarché. Donc il a une position, ce vieux monsieur qui vient avec son rollator. Et maintenant sa fille quand même, les litres d'eau qui sont lourds. Quoi. Enfin, voilà, ce genre. C'est simple, mais c'est juste un moment où aussi ils se déconnectent de leur quotidien un peu difficile. Voilà. Je ne veux pas du tout idéaliser les gens qui vieillissent, vous voyez, je ne veux pas dire « Ah oui, ils sont tous merveilleux, ils ont tous des choses tout à fait intéressantes à raconter, puis de toute façon, on fait avec les gens qui viennent, les patients ne sont pas là pour intéresser leur psy. Hein. » Mais il y a quand même, je trouve, enfin, j'ai moi, je l'assume, un plaisir possible, en tout cas, à mesurer l'étendue d'une expérience de vie grâce à ces personnes qui ont 80 ans derrière elles, et alors qui sont meurtris, encombrés, riches de leur histoire. Hein, c'est pas toujours drôle d'avoir 80 ans derrière soi. Parfois, on s'ennuie beaucoup avec soi au bout de 80 ans. Et puis, il y en a d'autres, au contraire, qui sont des compagnons de route pour elles-mêmes, d'une façon qui est tout à fait saisissante. Jean-Marie, je voudrais que vous me donniez votre recette. Comment faites-vous pour rester jeune? 8 avril 1969. Mais écoutez, si je vous disais « j'ai une recette », ça prouverait que je crois être resté jeune. Or, je trouve que je parais l'âge que j'ai. Alors, la question inverse, est-ce que vous vous trouvez vieux? Je ne me trouve pas vieux. Non, mais c'est-à-dire que je trouve... Et, par exemple, quand j'avais 20 ans, on me parlait d'un homme de 55, je me disais que c'était un vieux monsieur. Donc, maintenant, je sais que je suis un vieux monsieur, mais je ne me sens pas. Vous n'êtes pas encore dans le troisième âge, quand même. Je m'accepte comme vieux monsieur, mais je ne me sens pas. Je me sens en bonne santé, en forme. Oui, mais est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous pensez à la vieillesse? Je dois dire que dans mon métier, je trouve ça passionnant de vieillir, parce que ça vous donne l'espoir de changer de personnage, d'interprétation, d'apporter autre chose. C'est beaucoup plus facile de jouer, à mon avis, lorsqu'on est âgé que lorsqu'on... Mais on vous offre encore des rôles. Vous trouvez que c'est encore de la chance? Bien sûr. Est-ce que la vieillesse vous passionne, Louise Philips? Oui, d'une part, c'est quand même mon métier de m'occuper des personnes âgées. Hein, et oui, je crois que j'ai une passion pour les personnes âgées. Je peux vous donner la date exacte. En 1999, j'ai commencé à travailler en ce qu'on appelait à l'époque en maison de retraite. Et en fait, avant, je travaillais comme infirmière en réanimation. J'ai fait un 360 hein, pour aller en maison de retraite, pour me rapprocher de mon domicile. Et au départ, j'étais tellement sceptique sur le fait de travailler avec les personnes âgées que j'ai demandé un CDD d'essai. Mais on m'avait proposé tout de suite un emploi fixe en tant qu'infirmière. J'ai dit non, on va d'abord se laisser le temps. Et je suis plus jamais sortie des personnes âgées. Ça m'a totalement passionnée tout de suite. Le relationnel avec les personnes âgées et professionnellement aussi, tout ce qu'il y avait à construire pour la prise en charge des personnes âgées en difficulté. Parce que je fais bien la différence entre les deux. Personnes âgées, ça ne veut rien dire, c'est un état. On se focalise trop, je pense, personnes âgées égale dépendance, ce n'est pas du tout lié. On peut être vieux et en pleine forme. Et j'essaye de travailler aussi dans ce sens-là, hein, pour ouvrir cette vision et retrouver l'individu qu'il y a dans la personne âgée. Et ce n'est pas une personne âgée, c'est une personne avant tout. Et avant de travailler en maison de retraite, vous arriviez déjà à faire le départ entre l'individu et la personne âgée, ou vous confondiez comme... Oh, je crois que je confondais. J'étais bien jeune à l'époque. La personne âgée, pour moi, c'était une nébuleuse. Je ne m'étais jamais posé de questions. Voilà. On va dire ça comme ça. Et l'évolution dans la profession d'infirmière auprès de la personne âgée m'a permis aussi de trouver des pistes. Parce que des réponses, il n'y en a pas, des pistes pour améliorer ce quotidien-là, quoi. C'est gentil de m'avoir accompagnée à la gare. En me voyant, monsieur. Ah, si, si, si. Et puis ces fleurs, ces bonbons, ces journaux. Savez-vous que c'est la première fois que nous nous séparons depuis que c'est arrivé? Remarquez que 15 jours, ce n'est pas très long. Non, évidemment, 15 jours, ça n'est pas très long. Mais songez tout de même à ce que ça fait d'heure, ça. Vous imaginiez que la vieillesse, c'était ce que vous vivez maintenant? Non, j'imaginais pas du tout. Je découvre chaque jour. Claude Sarraute. Et il y a quelques années, quand j'ai vraiment commencé à le découvrir, je me vantais. Je me disais, c'est formidable. J'adore fumer, j'adore boire. Et je découvre pour de vrai. Je ne sais jamais ce qu'il y aura au prochain tournant. Ah, je dis, mais c'est vrai. Ah, ça, alors, c'est comme ça. Et puis, t'as mal là. Ben, tu vois, c'est normal, t'as mal là. Et j'étais très, très, très, très intéressée par ce que je découvrais. Puis, à la longue, j'en ai eu un peu marre, parce que qu'est-ce que je trouvais tout le temps la même chose? Mal, mal, mal. Parce que j'ai une arthrose très prononcée. Très prononcée. Et puis, comment je fais le soir? Je suis seule. Par exemple, le soir, Jacques me prépare une serviette, du vin, et puis il faut que j'aille à la cuisine. Il a laissé à la cuisine un frichti, un truc. Et puis il faut que je le rapporte ici. Et ça, c'est très compliqué, puisque moi, ce que j'aime, c'est me tenir les deux mains à toutes les portes. Et puis je marche plié en deux, j'ai l'impression d'être plus près du sol. Et que je me ferais moins mal si je tombe. Alors ça, c'est un problème. Alors, le kiné que tu as vu, tout le monde est très joyeux, tout le monde est très libre de son corps, de faire ce qu'il veut. Non, il ne faut pas. Non, vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas bien. Il faut vous tenir droite. Il faut regarder loin devant vous. Je meurs de peur toute la journée. Alors, je reste là. Do you want us to do it again, George? Okay. With Siggy in mouth. Let's all get up and let's all get up and dance to a song that was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago, your mother should know. La vieillesse, ça ne vous fait penser à rien, Daniel Defer? Non. Mais vous m'avez dit, je n'arrive pas du tout à l'envisager alors que tout me la signale, la vieillesse. Bien sûr que je la vis. Daniel Defer. J'ai conscience de mourir tous les jours. Je la vis parce que bon, j'ai été opéré du cœur et j'ai eu une douleur cardiaque à peu près chaque jour. Et le cœur, c'est toujours un peu plus angoissant. Bon, il y a des moments où je ne remonte pas bien les escaliers. Bon, hier, je voulais monter sur un escabeau. Ben, non, c'était plus facile d'aller prendre une échelle. J'avais moins d'équilibre. Donc, je la sens bien, la vieillesse. Mais je ne la pense pas. Je suis incapable de la penser comme projet, comme avenir. Bon, c'est une évidence que je laisse... arriver au jour le jour, sans penser. Alors, il faut dire que je n'ai jamais eu très, une forte conscience de mon âge. Je me suis longtemps vécu comme un ado, et ça doit jouer. C'est une histoire drôle, parce que il y a un an, j'étais au Liban, dans un autobus, dans la plaine de la Beka, vous savez, là, il y a beaucoup de réfugiés syriens. Il y a des attentats, l'armée de la police qui contrôle à peu près tous les 20 kilomètres les autobus. Et j'étais dans un autobus et les étrangers sont dans les autobus. Les Libanais ont leur voiture individuelle. Donc j'étais dans cet autobus et pour faciliter les contrôles, j'avais donné mon passeport au conducteur. Et puis il voit 79 ans et il crie aux gens de l'autobus, oh, cet homme-là, il a 79 ans. Et alors, effectivement, un Libanais de mon âge, il a un chapeau, un costume, de l'embonpoint, c'est un monsieur. Moi, j'étais en blouson de cuir, les cheveux un peu longs, jeans, encore ado, quoi. Enfin, j'espère. Et alors, il a été surpris. Et c'est drôle parce que ça m'a réconcilié, ou ça m'a concilié avec mon âge. À partir de là, je l'ai dit. Bon, je lui ai dit, bon, j'ai 80 ans, je ne les ai pas encore, je les aurai dans quelques semaines. Mais enfin, je l'ai dit avec une jubilation inconnue. Alors, c'est pour ça que quand vous m'avez parlé de la vieillesse, dont je veux bien, je n'ai rien à en dire, mais j'y adhère. Et j'adhère à ma vieillesse, voilà. J'y adhère encore difficilement, puisque je suis obligé de le dire pour en être convaincu. Mais, voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler, mais je n'ai rien à en dire. Comme je vous dis, par exemple, là c'est très emmerdant. Mais mon chéri, tu viens quand tu veux, tu passes. Viens vers 6 heures, on prendra un verre. D'accord, eh bien c'est ça. Eh bien, mercredi, pas mercredi qui vient, l'autre mercredi, c'est d'accord, allez, je t'embrasse. Vois mon chéri. J'oublie. J'oublie non seulement qu'il faudrait le marquer, j'oublie que j'ai eu un coup de fil, tu comprends. Alors c'est très gênant pour une jeune fille parce que ça m'handicape énormément. Alors maintenant c'est plus moi, c'est Jacques. Depuis quelque temps t'as remarqué, c'est Jacques. Il s'occupe de l'agenda, il regarde. Évidemment c'est un peu gênant. Ça ralentit un peu mes rapports, tu vois. Ça les rend plus compliqués parce qu'il faut que je fasse... D'abord j'entends pas, alors il faut que je fasse répéter. Après il faut que ça rentre vraiment... D'habitude, ça rentre là, ça ressort là, alors c'est compliqué. La vie est un peu plus compliquée. Si tu veux, la vieillesse rend tout plus compliqué. Marcher, très difficile. Alors la douche, je ne sais pas combien de temps je m'y tiens encore. Mais mon Revel, mon dernier mari, il a vécu longtemps avec moi. Et il a vieilli avec moi, j'ai enterré d'ailleurs. Ça, je me souviens très bien, je l'ai enterré à Montparnasse, et j'ai marqué mon nom à côté de lui sur la plaque, là. Il y a Jean-François Revel, il s'appelait comme ça, et avec ses dates de naissance, et Claude Sarraute, avec ma date de naissance. Alors, quand j'ai voulu mettre ma date de naissance, à ses enfants poussaient des hurlements, en disant, c'est pas possible, ne la mets pas. Ça sert à rien de la mettre. Si tu la mets, on croira que t'es déjà morte. Je vois pas la différence. Je ne me rappelle plus si je l'ai laissé ou si j'ai enlevé. Alors voilà. Maintenant je ne dis plus rien. Je me souviens encore de son fin profil. Lorsqu'un soir au bal, nous fîmes connaissance. Elle était charmante et mince comme un fil. de grands rêveurs et plein d'innocence, tout dans sa personne était délicat. Elle voulut bien m'accorder une danse et je me disais, pendant la polka, tandis que nous sautions tous deux en cadence. Elle est épatante, cette petite femme-là, c'est phénoménal la grâce qu'elle a. Parmi toutes celles qui sont là, il n'y en a pas deux comme ça. Oui, on a quand même la conscience du vieillissement. Même si on ne le pense pas, on le vit, on le ressent. Et on change avec, quoi. On se réduit, on se rétrécit. on sait bien, les voyages sont pas la même durée. Faut encore que, comme dans la publicité, hôpital tout proche. J'aime beaucoup cette publicité d'une très belle femme avec un vieux mari qui demande un hôtel, une jolie station, mais avec un hôpital tout proche. Et on voit le vieux mari à côté, subclinquant, et l'hôpital tout proche, et ça, c'est quand même une plaisanterie qu'on se fait assez facilement. J'irai dans un... Oui. Je devais aller en Chine, et mon cardiologue m'a dit, non, tu peux peut-être y aller, je ne pense pas que tu reviennes. Donc, et donc, effectivement, il avait raison. Donc le Japon, c'est mieux. Alors le Japon, hôpital tout proche. Non, c'est ces choses-là qui vous changent la vie. Born a boy, young country boy, Mother Nature son. All day long, I'm sitting singing songs for everyone. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé ou senti à l'anniversaire de vos 80 ans? Est-ce que c'était un tournant très particulier? Je ne peux pas dire, on était très actifs. Hein. On n'avait pas le temps de penser, donc je trouvais ça bien. C'est à partir du moment où il est tombé malade. Ouais. Là, c'est vraiment ces deux années-là, ça. Ouais. Ouais. Et aussi maintenant, il a des hauts et des bas. Allez. Vous aviez quel âge au moment de cet accident? Moi, j'ai 6 ans de moins que mon mari. Est-ce que vous trouvez que votre mari a changé de caractère avec la maladie? Ouais. Beaucoup plus susceptible, vous savez. Ouais. Et puis la cohabitation, c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. Alors, on avait une très belle vie, oui. Ouais, mais ça, c'était... Faut faire très attention à ce qu'on dit. On est plus fragile aussi. Hein. Oui. C'est l'âge qui veut ça. Parfois, on ne trouve pas les mots, parfois, on ne trouve pas l'âge. Parfois, vous voyez, parfois, je suis encore très bien au point de vue mémoire, mais tout à coup, ça revient. Hier, on a cherché un nom. Oui, c'est pas non seulement du nom, c'est... Quand on prend de l'âge, on s'affirme aussi plus. Mais c'est un cheminement sur toute la vie. C'est pas à 60 ans, 70 ans que tout à coup on devient. On s'affirme, on prend de l'épaisseur. Les expériences de vie font que les personnes deviennent de plus en plus uniques. Hein, et une unicité va peut-être être plus forgée dans le caractère. Il y a un gériatre qui disait que la vieillesse, c'est la caricature de l'âge adulte. C'est un petit peu vrai, mais je trouve ça un petit peu excessif aussi. Après, quand on rentre dans le monde de la pathologie, les choses peuvent changer. Mais une personne âgée qui n'a pas de pathologie particulière reste, à mon sens, ce qu'elle était. Et avec une évolution, mais qui se fait surtout tout au long de la vie. Hein. No te debo, no te pido, me voy de tu vera, olvídame ya, que pago con oro tu carne morena, no maldigas paya que estamos en paz. No te quiero, no me quiero, si tú me lo diste yo no te pedí, no me eché en cara que esto lo perdí. También a tu vera, yo todo lo perdí. Voilà, Voilà, maintenant j'en ai un peu marre, non? T'en as pas marre? Non, je voulais vous poser une question, une autre. À partir de quand vous avez arrêté de faire attention à votre corps? Ah ben, c'est une date précise, c'est le jour de mon anniversaire en Bretagne. Je me suis dit, tu arrêtes de te priver de tout. Je me suis rendu compte, j'avais 75 ans. J'avais pas mangé de fromage depuis 40 ans, parce que ça fait grossir. T'es pas mince, t'es maigre, t'es ridée de partout. Et c'est vrai, ma peau, elle fait des plis partout. Tu veux que je te montre? Non, c'est pas très ragoûtant. Enfin, tu peux imaginer, mais des plis, tu vois, regarde. Et bon, ridée comme une vieille pomme. Alors, j'arrête. Et de toute façon, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde mon nez, il était mignon, la moitié. Et il fait grosse patate maintenant, tu vois. C'était la moitié. Quand Elisabeth Taylor s'est fait son premier lifting, c'est un événement, mais colossal, la terre entière en a parlé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait tailler le nez. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas bête. Et surtout, ils ont des bons chirurgiens là-bas. Ils savent que la seule chose qui grossisse dans un visage d'enfant, c'est le nez et les oreilles. Alors, si tu veux te faire rajeunir, n'attends pas 50 ans, hop, tu te rabotes le nez, et comme ça, il n'a... Parce qu'il a déjà grossi, tu vois, en 30 ans. En 50 ans. Non, c'est t'inquiète pas, on va lui dire de rappeler, t'inquiète pas. D'accord. Et est-ce que vous vous souvenez, est-ce que quand vous vous regardez, vous voyez le corps que vous aviez quand vous... est-ce que ça reste... Mais ça reste pas dans la... Ah non, quand je me vois à la télé, je dis mais c'est qui la dame? Je me trouve sublime. Est-ce que vous évitez les personnes âgées, Daniel Defer, dans vos fréquentations? Ouais. J'ai pas... Bon, j'ai des amis, forcément. J'en ai de moins en moins, parce qu'ils meurent, ils sont morts. J'ai des amis plus âgés que moi. Enfin, j'avais des amis plus âgés que moi. J'en ai plus beaucoup, d'ailleurs. Je sais même pas si j'en ai encore. Quand j'étais jeune, avoir une amie de 80 ans, ça me plaisait. Mais maintenant, avoir une copain de 80 ans, oui, mes copains, ils ont tous 80 ans, c'est pas le pied. Non, je ne recherche pas, non. Vous voyez, même, je fais partie de la DMD, mais l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, je fais pas tellement réunion, ils sont un peu âgés, tous ces gens qui réfléchissent sur le mort. Ah, mais vous en faites quand même partie. J'en fais partie. Ah oui, à la création de cette association avec Michel Foucault, on était absolument pour, on a tout de suite été pour. Et puis on a vu qu'elle n'avançait pas tellement, quoi. Donc, c'est plutôt un soutien qu'une militance. Et puis les gens sont assez âgés. Alors, je sais bien, je ne peux pas faire partie d'un club de jeunes, mais non, je ne fréquente pas. Et mes amis qui, justement... Parce que, bon, si vous voulez, je me suis beaucoup occupé de la lutte contre le sida. On a initié avec aide. Et c'était l'époque où les gens mouraient jeunes. Et la plupart des gens qui ont pu survivre à cette épidémie vont avoir l'espérance de vie, ont l'espérance de vie de l'ensemble des Français d'aujourd'hui. Donc mes amis vieillissent et certains commencent justement à se mobiliser sur la question de l'accueil dans des institutions, l'accueil de couples de même sexe, toutes ces questions-là. Et ils m'ont demandé d'y participer et autant je me suis engagé sur une lutte où les gens mouraient jeunes, autant cet allongement de l'espérance ne m'a pas tellement mobilisé. Vous vous souvenez, André Fitoussi, de ce que vous avez pensé le jour de vos de ces tournants que sont les 70 ans, les 60 ans, les 80 ans ? Non, j'ai jamais fait attention à ça. J'ai pas une peur de la vieillesse ou parler d'un tournant en tournant, en tournant en rond, en quelque sorte, parler d'un tournant, non. Les 40 ans, les 50 ans, 60 ans, non. Peut-être c'est une erreur, mais je me suis... Maintenant, peut-être que je le ressens un peu plus, je me suis jamais senti vieillir, je me suis senti toujours capable de faire les choses, alors que, réellement, il y a certaines choses que je peux plus faire. Non, j'ai pas de tournant, 60 ans, 70 ans. Même quand je vais atteindre 90 ans, je vais leur demander de me faire un bel anniversaire, mais j'ai pas de tournant. Non, je vais vraiment, j'assume, c'est voilà. Oui, et vous faites pas du tout votre âge. Vraiment, non mais ce n'est pas une phrase. Non mais ouais, c'est vrai. Ouais, vous le savez. Non, je vais les avoir, mais je vais vous faire peut-être sourire. Moi, je suis un chef-d'œuvre en péril. J'ai des MLA, j'ai un infarctus du myocarde, je suis appareillé, j'ai changé mon genou, j'ai un genou en métal. Je peux vous citer encore des tas de trucs, mais donc c'est pour ça que je me dis que je suis un chef-d'œuvre en péril. Voilà, mais c'est non bon. Mais j'assume, d'accord. J'ai mon âge, c'est comme ça. Et puis, mais parfois me lever ou faire une marche un peu longue, je suis fatigué, voilà. Francis Carrier, vous avez dit que la vieillesse, était, vous l'associez à la liberté. Est-ce que vous n'êtes pas une exception en parlant ainsi ? Alors, dans la vieillesse, il y a trois temps, déjà. Il faut dire que moi, je rentre dans le premier temps, qui est le temps de la retraite, c'est-à-dire le temps où, justement, j'ai ce maximum de liberté. Puis après, donc là, je fais ce que je veux, c'est-à-dire que je m'occupe avec qui je veux, sur les sujets que j'ai envie de traiter. Si je veux rien faire, je fais rien, je fais ce que je veux. Après arrive un moment qui sont les premières dépendances, c'est-à-dire que on commence à avoir besoin d'aide extérieure. Mais la liberté, là aussi, elle subsiste. Même si le monde dans lequel on évolue se rétrécit, on va moins voyager, on va moins partir, on va aller moins loin. Le monde est un peu plus étroit. Et puis après, effectivement, il y a un monde de grande dépendance. Mais là aussi, tant que le cerveau fonctionne, la liberté, elle y est. C'est-à-dire que on peut... Je vais voir une vieille dame... qui est chez elle, hein, qui peut plus bouger, elle a toute sa tête, et elle est assise sur son lit quasiment toute la journée, et elle regarde la fenêtre. Et alors l'autre jour, j'ai dit, mais est-ce que vous voudriez pas qu'on aille se promener en voiture, je vais vous aider, bon, je sais que vous pouvez pas marcher. Non, moi je suis très bien ici. Je suis très bien ici, je regarde. Qu'est-ce que je ferais dehors de façon de regarder des gens s'amuser? Moi, je m'amuse plus. Je pourrais pas m'amuser comme eux, donc je préfère rester là. Et elle était dans sa liberté, dans sa tête, en train de regarder. Et sa liberté, c'était de penser à ce qu'elle a vécu, à ses souvenirs. Et elle me souriait. Elle n'était pas dans le... Bon... Après, bien sûr, hein, il y a la souffrance, il y a la souffrance physique, il y a la souffrance morale qui peuvent atteindre beaucoup de gens. Il faut tout faire pour essayer de l'éviter. Mais ne rajoutons pas à ces cas de souffrance des souffrances qui sont liées à l'isolement, qui sont liées à des carences liées à notre organisation de la société. Si je t'ai blessé, si j'ai noirci ton passé, viens pleurer au creux de mon épaule. Viens tout contre moi, et si je fus maladroit, je t'en prie, chérie, pardonne-moi. Laisse ta pudeur du plus profond de ton cœur, viens pleurer au creux de mon épaule. écoutez, nous étions 5 amis. Et nous sommes le seul, et on est encore à 2. Et il y a encore une seule qui, Annette par exemple, qui est, c'est elle qui a perdu le premier, la première son mari. Alors on a déjà discuté ensemble, vous savez, quand vous êtes à 2, comme nous maintenant, moi je trouve que c'est plus difficile, parce que nous sommes, je vous dirais, presque 2 invalides. Les autres ont perdu le mari ou la femme, ou, vous voyez. Tandis qu'on est 2 à se battre. Mais on se bat. Il n'y a pas eu de mort encore, mais on se bat. Est-ce que vous aviez imaginé votre vieillesse? Vous n'y pensiez pas? À partir de 80. Et puis il y a une dame qui m'a une fois dit, à partir de 70, ça change. Et c'est vrai. La vie pour vous, vous êtes plus aussi actif, plus aussi vif, plus aussi entreprenante, vous n'avez plus la même énergie. Vous... Mais c'est pas méchant, ça passe comme ça, et ça rentre tout doucement vers le 80, et le 80, il vous prend. Le 8, il n'est pas agréable. Oh, ça dépend des personnes aussi. Hein. Oui, mais dans l'ensemble. En tous les cas, chez nous... Toujours on la chance encore de vivre à 80 ans. Oui, oui, mais ça change. Accrochez-vous et soyez heureuse. Il faut être souple dans la vie. Ouais. Tout s'arrange. Et est-ce que il faut être souple aussi pour s'entendre avec ses enfants et ses petits-enfants? Oui. Est-ce qu'il y a est-ce que vous trouvez les mœurs très différents et parfois... Oui. Est-ce que vous avez dit... Je ne pas vous le dire, non. Non. Oui. Non. Je ne dis rien, mais je ne pense pas plus. Comme ça, on s'en sort le mieux. Vous savez, cette génération... Je ne veux pas discriminer maintenant les générations. C'est comme ça. Le modernisme à outrance, vous savez. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas, hein. Il n'y a que ces pantalons, j'arrive pas à rentrer dans les poches. Ça m'énerve à chaque coup. Hein. Marie-Thérèse, tu pourrais... Oui, je peux vous offrir un petit café ou un thé. Un petit cake. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elle rime avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. J'aime ma chanson quand elle rime avec ta bouche. Comme les ponts de Paris avec bateau mouche. Et la perle des pleurs avec l'œil des biches. Rime triste. Fatigue des corps, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Réflexion faite plus qu'en adepte, j'adopte. Nouvelle retraite plus que parfaite, la porte. Avec Benoît Dutertre, Benoît ça, Verdon, facile, Fernand et Marie-Thérèse Philips, Louise Philips, Claude Sarraute, Daniel Defer, André Fitoussi, Francis Carrier. Merci à Jonathan Varenne et Roland Kérol. Prise de son Laurent Macchietti, Arthur Gerbeau, Clémence Bonfils et Hélène Langlois. Mixage Cédric Châtelus et Claude Niort. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Sont mortes. Pris sur le fait, l'heure ainsi plate. C'était Fatigue des corps. Un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Je ris, nous sommes en juin, mais je n'y suis pas disposée. Demain, la mort, dernière aventure. M'étonne, je n'y suis pas disposée. Ça m'étonne. Je n'y suis pas disposée à cette entame. M'étonne, je n'y suis pas disposée. Ça m'étonne. Ça m'étonne.